Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC ND 2.0 FR. Atala de François-René de Chateaubriand. Sommaire, préface de la première édition d'Atala. Préface d'Atala et de René. Édition in duodécimo de 1805. Prologue. Les chasseurs, les laboureurs, le drame, les funérailles, épilogue. Note. Préface de la première édition d'Atala. On voit par la lettre précédente ce qui a donné lieu à la publication d'Atala avant mon ouvrage sur le « Génie du christianisme » dont elle fait partie. Il ne me reste plus qu'à rendre compte de la manière dont cette histoire a été composée. J'étais encore très jeune lorsque je conçus l'idée de faire l'épopée de l'homme de la nature ou de peindre les mœurs des sauvages en les liant à quelque événement connu. Après la découverte de l'Amérique, je ne vis pas de sujet plus intéressant, surtout pour les Français, que le massacre de la colonie des Natchez à la Louisiane, en 1727. Toutes les tribus indiennes conspirant, après 2 siècles d'oppression, pour rendre la liberté au Nouveau Monde, me parurent offrir un sujet presque aussi heureux que la conquête du Mexique. Je jetai quelques fragments de cet ouvrage sur le papier. Mais je m'aperçus bientôt que je manquais des vraies couleurs, que si je voulais faire une image semblable, il fallait, à l'exemple d'Homère, visiter les peuples que je voulais peindre. En 1789, je fis part à M. de Malesherbes du dessein que j'avais de passer en Amérique. Mais, désirant en même temps donner un but utile à mon voyage, je formais le dessein de découvrir par terre le passage tant recherché et sur lequel Cook même avait laissé des doutes. Je partis, je vis les solitudes américaines et je revins avec des plans pour un second voyage qui devait durer 9 ans. Je me proposais de traverser tout le continent de l'Amérique septentrionale, de remonter ensuite le long des côtes nord de la Californie et de revenir par la baie d'Hudson en tournant sur le pôle. Monsieur Mackenzie a depuis exécuté une partie de ce plan. Note de l'auteur. Monsieur de Malesherbes se chargea de présenter mes plans au gouvernement, et ce fut alors qu'il entendit les premiers fragments du petit ouvrage que je donne aujourd'hui au public. La Révolution mit fin à tous mes projets. Couvert du sang de mon frère unique, de ma belle-sœur, de celui de l'illustre vieillard, leur père, ayant vu ma mère et une autre sœur pleine de talent mourir des suites du traitement qu'elles avaient éprouvé dans les cachots, j'ai erré sur les terres étrangères où le seul ami que j'eusse conservé s'est poignardé dans mes bras. Nous avions été tous 2 5 jours sans nourriture, tandis que ma famille était ainsi massacrée, emprisonnée et bannie. Une de mes sœurs, qui devait sa liberté à la mort de son mari, se trouvait à Fougères, petite ville de Bretagne. L'armée royaliste arrive. 800 hommes de l'armée républicaine sont pris et condamnés à être fusillés. Ma sœur se jette aux pieds de M. de La Roche-Jacquelin et obtient la grâce des prisonniers. Aussitôt, elle vole à Rennes, se présente au tribunal révolutionnaire avec les certificats qui prouvent qu'elle a sauvé la vie à 800 hommes et demande pour seule récompense qu'on mette ses sœurs en liberté. Le président du tribunal lui répond « Il faut que tu sois une coquine de royaliste, que je ferai guillotiner, puisque les brigands ont tant de déférence pour toi. D'ailleurs, la République ne te sait aucun gré de ce que tu as fait. Elle n'a que trop de défenseurs, et elle manque de pain. Voilà les hommes dont Buonaparte a délivré la France. » Note de l'auteur. De tous mes manuscrits sur l'Amérique, je n'ai sauvé que quelques fragments, en particulier Atala, qui n'était elle-même qu'un épisode des Natchez. Voir la préface des Natchez. Note de l'auteur. Atala a été écrite dans le désert et sous les huttes des sauvages. Je ne sais si le public goûtera cette histoire, qui sort de toutes les routes connues et qui présente une nature et des mœurs tout à fait étrangères à l'Europe. Il n'y a point d'aventure dans Atala. C'est une sorte de poème. Je suis obligé d'avertir que si je me sers ici du mot « poème », c'est faute de savoir comment me faire entendre autrement. Je ne suis point de ceux qui confondent la prose et les vers. Le poète, quoi qu'on en dise, est toujours l'homme par excellence, et des volumes entiers de prose descriptive ne valent pas 50 beaux vers d'Homère, de Virgile ou de Racine. Note de l'auteur. Moitié descriptif, moitié dramatique. Tout consiste dans la peinture de deux amants qui marchent et causent dans la solitude, et dans le tableau des troubles de l'amour au milieu du calme des déserts. J'ai essayé de donner à cet ouvrage les formes les plus antiques. Il est divisé en prologue, récit et épilogue. Les principales parties du récit prennent une dénomination comme les chasseurs, les laboureurs, etc. Et c'était ainsi que dans les premiers siècles de la Grèce, les rhapsodes chantaient, sous divers titres, les fragments de l'Iliade et de l'Odyssée. Je dirais aussi que mon but n'a pas été d'arracher beaucoup de larmes. Il me semble que c'est une dangereuse erreur avancée, comme tant d'autres, par Voltaire, que les bons ouvrages sont ceux qui font le plus pleurer. Il y a tel drame dont personne ne voudrait être l'auteur et qui déchire le cœur bien autrement que l'Énéide. On n'est point un grand écrivain parce qu'on met l'âme à la torture. Les vraies larmes sont celles que fait couler une belle poésie. Il faut qu'il s'y mêle autant d'admiration que de douleur. C'est Priam disant à Achille, Andros, Paido Jonoio, Potiatoma, Ser Oregescai. Juge de l'excès de mon malheur, puisque je baise la main qui a tué mon fils. C'est Joseph s'écriant, Ego sum Joseph, frater Wester, quem wendendistis in Aegyptum. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Voilà les seules larmes qui doivent mouiller les cordes de la lyre. Les muses sont des femmes célestes qui ne défigurent point leurs traits par des grimaces. Quand elles pleurent, c'est avec un secret dessein de s'embellir. Au reste, je ne suis point, comme Rousseau, un enthousiaste des sauvages, et quoique j'aie peut-être autant à me plaindre de la société que ce philosophe avait à s'en louer, je ne crois point que la pure nature soit la plus belle chose du monde. Je l'ai toujours trouvée fort laide partout où j'ai eu l'occasion de la voir. Bien loin d'être d'opinion que l'homme qui pense soit un animal dépravé, je crois que c'est la pensée qui fait l'homme. Avec ce mot de nature, on a tout perdu. Peignons la nature, mais la belle nature. L'art ne doit pas s'occuper de l'imitation des monstres. Les moralités que j'ai voulu faire dans Atala sont faciles à découvrir, et comme elles sont résumées dans l'épilogue, je n'en parlerai point ici. Je dirai seulement un mot de Chactas, l'amant d'Atala. C'est un sauvage qui est plus qu'à demi civilisé, puisque non seulement il sait les langues vivantes, mais encore les langues mortes de l'Europe. Il doit donc s'exprimer dans un style mêlé, convenable à la ligne sur laquelle il marche, entre la société et la nature. Cela m'a donné quelques avantages, en le faisant parler en sauvage dans la peinture des mœurs et en européen dans le drame de la narration. Sans cela, il eût fallu renoncer à l'ouvrage. Si je m'étais toujours servi du style indien, Atala eût été de l'hébreu pour le lecteur. Quant au missionnaire, c'est un simple prêtre qui parle sans rougir de la croix, du sang de son divin maître, de la chair corrompue, etc. En un mot, c'est le prêtre tel qu'il est. Je sais qu'il est difficile de peindre un pareil caractère sans réveiller dans l'esprit de certains lecteurs des idées de ridicule. Si je n'attendris pas, je ferai rire. on en jugera. Il me reste une chose à dire. Je ne sais par quel hasard une lettre que j'avais adressée à M. de Fontanes a excité l'attention du public beaucoup plus que je ne m'y attendais. Je croyais que quelques lignes d'un auteur inconnu passeraient sans être aperçues. Cependant, les papiers publics ont bien voulu parler de cette lettre. Voyez cette lettre à la fin du génie du christianisme, note de l'auteur. En réfléchissant sur ce caprice du public, qui a fait attention à une chose de si peu de valeur, j'ai pensé que cela pouvait venir du titre de mon grand ouvrage, « Génie du christianisme », etc. On s'est peut-être figuré qu'il s'agissait d'une affaire de parti, et que je dirais dans ce livre beaucoup de mal de la Révolution et des philosophes. Il est sans doute permis, à présent, sous un gouvernement qui ne proscrit aucune opinion paisible, de prendre la défense du christianisme. Il a été un temps où les adversaires de cette religion avaient seuls le droit de parler. Maintenant, la lice est ouverte, et ceux qui pensent que le christianisme est poétique et moral peuvent le dire tout haut, comme les philosophes peuvent soutenir le contraire. J'ose croire que si le grand ouvrage que j'ai entrepris et qui ne tardera pas à paraître était traité par une main plus habile que la mienne, la question serait décidée. Quoi qu'il en soit, je suis obligé de déclarer qu'il n'est pas question de la révolution dans le génie du christianisme. En général, j'y ai gardé une mesure que, selon toutes les apparences, on ne gardera pas envers moi. On m'a dit que la femme célèbre, Madame de Staël, note de l'auteur, dont l'ouvrage formait le sujet de ma lettre, s'est plainte d'un passage de cette lettre. Je prendrai la liberté de faire observer que ce n'est pas moi qui ai employé le premier l'arme que l'on me reproche et qui m'est odieuse. Je n'ai fait que repousser le coup qu'on portait à un homme dont je fais profession d'admirer les talents et d'aimer tendrement la personne. Mais dès lors que j'ai offensé, j'ai été trop loin. Qu'il soit donc tenu pour effacer ce passage. Au reste, quand on a l'existence brillante et les talents de Madame de Staël, on doit oublier facilement les petites blessures que nous peut faire un solitaire et un homme aussi ignoré que je le suis. Je dirai un dernier mot sur Atala. Le sujet n'est pas entièrement de mon invention. Il est certain qu'il y a eu un sauvage aux galères et à la cour de Louis XIV. Il est certain qu'un missionnaire français a fait les choses que j'ai rapportées. Il est certain que j'ai trouvé dans les forêts de l'Amérique des sauvages emportant les os de leurs aïeux et une jeune mère exposant le corps de son enfant sur les branches d'un arbre. Quelques autres circonstances aussi sont véritables. Mais, comme elles ne sont pas d'un intérêt général, je suis dispensé d'en parler. Avis sur la troisième édition d'Atala. J'ai profité de toutes les critiques pour rendre ce petit ouvrage plus digne des succès qu'il a obtenus. J'ai eu le bonheur de voir que la vraie philosophie et la vraie religion sont une même chose, car des personnes fort distinguées qui ne pensent pas comme moi sur le christianisme ont été les premières à faire la fortune d'Atala. Ce seul fait répond à ceux qui voudraient faire croire que la vogue de cette anecdote indienne est une affaire de parti. Cependant, j'ai été amèrement, pour ne pas dire grossièrement, censuré. On a été jusqu'à tourner en ridicule cette apostrophe aux Indiens. Décade philosophique numéro 22, dans une note. Note de l'auteur. Guillemets. Indiens infortunés que j'ai vu errer dans les déserts du Nouveau Monde avec les cendres de vos aïeux, vous qui m'aviez donné l'hospitalité malgré votre misère, je ne pourrais vous l'offrir aujourd'hui car j'erre ainsi que vous à la merci des hommes et, moins heureux dans mon exil, je n'ai point emporté les os de mes pères. Fin des guillemets. Les cendres de ma famille confondue avec celle de M. de Malesherbes, 6 ans d'exil et d'infortune n'ont donc paru qu'un sujet de plaisanterie. Puisse le critique n'avoir jamais à regretter les tombeaux de ses pères. Au reste, il est facile de concilier les divers jugements qu'on a portés d'Atala. Ceux qui m'ont blâmé n'ont songé qu'à mes talents, ceux qui m'ont loué n'ont pensé qu'à mes malheurs. Avis sur la 5e édition d'Atala. Depuis quelque temps, il a paru de nouvelles critiques d'Atala. Je n'ai pu en profiter dans cette 5e édition. Les conseils qu'on m'a fait l'honneur de m'adresser auraient exigé trop de changements, et le public semble maintenant accoutumé à ce petit ouvrage avec tous ses défauts. Cette nouvelle édition est donc parfaitement semblable à la 4e. J'ai seulement rétabli dans quelques endroits le texte des 3 premières. Préface d'Atala et de René. Édition in duodécimo de 1805. L'indulgence avec laquelle on a bien voulu accueillir mes ouvrages m'a imposé la loi d'obéir au goût du public et de céder aux conseils de la critique. Quant au premier, j'ai mis tous mes soins à le satisfaire. Des personnes chargées de l'instruction de la jeunesse ont désiré avoir une édition du génie du christianisme qui fut dépouillée de cette partie de l'apologie uniquement destinée aux gens du monde. Malgré la répugnance naturelle que j'avais à mutiler mon ouvrage, et ne considérant que l'utilité publique, j'ai publié l'abrégé que l'on attendait de moi. Une autre classe de lecteurs demandait une édition séparée des 2 épisodes de l'ouvrage. Je donne aujourd'hui cette édition. Je dirai maintenant ce que j'ai fait relativement à la critique. Je me suis arrêté, pour le génie du christianisme, à des idées différentes de celles que j'ai adoptées pour ces épisodes. Il m'a semblé d'abord que, par égard pour les personnes qui ont acheté les 1ères éditions, je ne devais faire, du moins à présent, aucun changement notable à un livre qui se vend aussi cher que le génie du christianisme. L'amour-propre et l'intérêt ne m'ont pas paru des raisons assez bonnes, même dans ce siècle, pour manquer à la délicatesse. En second lieu, il ne s'est pas écoulé assez de temps depuis la publication du génie du christianisme pour que je sois parfaitement éclairé sur les défauts d'un ouvrage de cette étendue. Où trouverais-je la vérité parmi une foule d'opinions contradictoires? L'un vante mon sujet aux dépens de mon style, l'autre approuve mon style et désapprouve mon sujet. Si l'on m'assure, d'une part, que le génie du christianisme est un monument à jamais mémorable pour la main qu'il éleva et pour le commencement du 19e siècle. Monsieur de Fontane, note de l'auteur. De l'autre, on a pris soin de m'avertir, 1 mois ou 2 après la publication de l'ouvrage, que les critiques venaient trop tard, puisque cet ouvrage était déjà oublié. Monsieur Ginguené, décade philosophique, note de l'auteur. Je sais qu'un amour-propre plus affermi que le mien trouverait peut-être quelque motif d'espérance pour se rassurer contre cette dernière assertion. Les éditions du génie du christianisme se multiplient. Malgré les circonstances qui ont ôté à la cause que j'ai défendue le puissant intérêt du malheur. L'ouvrage, si je ne m'abuse, paraît même augmenter d'estime dans l'opinion publique à mesure qu'il vieillit. Et il semble que l'on commence à y voir autre chose qu'un ouvrage de pure imagination. Mais à Dieu ne plaise que je prétende persuader de mon faible mérite ceux qui ont sans doute de bonnes raisons pour ne pas y croire. Or, la religion et l'honneur, j'estime trop peu de choses dans le monde pour ne pas souscrire aux arrêts de la critique la plus rigoureuse. Je suis si peu aveuglé par quelques succès et si loin de regarder quelques éloges comme un jugement définitif en ma faveur que je n'ai pas cru devoir mettre la dernière main à mon ouvrage. J'attendrai encore afin de laisser le temps aux préjugés de se calmer, à l'esprit de parti de s'éteindre. Alors l'opinion qui se sera formée sur mon livre sera sans doute la véritable opinion. Je saurai ce qu'il faudra changer au génie du christianisme pour le rendre tel que je désire le laisser, après moi, s'il me survit. Mais si j'ai résisté à la censure dirigée contre l'ouvrage entier, par les raisons que je viens de déduire, j'ai suivi pour Atala, pris séparément, un système absolument opposé. Je n'ai pu être arrêté dans les corrections ni par la considération du prix du livre, ni par celle de la longueur de l'ouvrage. Quelques années ont été plus que suffisantes pour me faire connaître les endroits faibles ou vicieux de cet épisode. Docile sur ce point à la critique, jusqu'à me faire reprocher mon trop de facilité, j'ai prouvé à ceux qui m'attaquaient que je ne suis jamais volontairement dans l'erreur, et que dans tous les temps et sur tous les sujets, je suis prêt à céder à des lumières supérieures aux miennes. Atala a été réimprimé 11 fois, 5 fois séparément et 6 fois dans le génie du christianisme. Si l'on confrontait ces 11 éditions, à peine en trouverait-on 2 tout à fait semblables. La 12e, que je publie aujourd'hui, a été revue avec le plus grand soin. J'ai consulté des amis prompts à me censurer. J'ai pesé chaque phrase, examiné chaque mot. Le style, dégagé des épithètes qui l'embarrassaient, marche peut-être avec plus de naturel et de simplicité. J'ai mis plus d'ordre et de suite dans quelques idées. J'ai fait disparaître jusqu'aux moindres incorrections de langage. Monsieur de la Harpe me disait, au sujet d'Atala, « Si vous voulez vous enfermer avec moi seulement quelques heures, ce temps nous suffira pour effacer les tâches qui font crier si haut vos censeurs. » J'ai passé 4 ans à revoir cet épisode, mais aussi il est tel qu'il doit rester. C'est la seule Atala que je reconnaîtrai à l'avenir. Cependant, il y a des points sur lesquels je n'ai pas cédé entièrement à la critique. On a prétendu que quelques sentiments exprimés par le père Aubry renfermaient une doctrine désolante. On a, par exemple, été révolté de ce passage « Nous avons aujourd'hui tant de sensibilité. » Guillemets. Que dis-je ? Oh, vanité des vanités ! Que parlais-je de la puissance des amitiés de la terre ? Voulez-vous, ma chère fille, en connaître l'étendue ? Si un homme revenait à la lumière, quelques années après sa mort, je doute qu'il fût revu avec joie par ceux-là même qui ont donné le plus de larmes à sa mémoire. Tant on forme vite d'autres liaisons, tant on prend facilement d'autres habitudes, tant l'inconstance est naturelle à l'homme, tant notre vie est peu de chose, même dans le cœur de nos amis. » Fin des guillemets. Il ne s'agit pas de savoir si ce sentiment est pénible à avouer, mais s'il est vrai et fondé sur la commune expérience. Il serait difficile de ne pas en convenir. Ce n'est pas surtout chez les Français que l'on peut avoir la prétention de ne rien oublier. Sans parler des morts dont on ne se souvient guère, que de vivants sont revenus dans leur famille et n'y ont trouvé que l'oubli, l'humeur et le dégoût. D'ailleurs, quel est ici le but du père Aubry ? N'est-ce pas d'ôter à Atala tout regret d'une existence qu'elle vient de s'arracher volontairement et à laquelle elle voudrait en vain revenir ? Dans cette intention, le missionnaire, en exagérant même à cet infortuné les maux de la vie, ne ferait encore qu'un acte d'humanité. Mais il n'est pas nécessaire de recourir à cette explication. Le père Aubry exprime une chose malheureusement trop vraie. S'il ne faut pas calomnier la nature humaine, il est aussi très inutile de la voir meilleure qu'elle ne l'est en effet. Le même critique, M. l'abbé Morlaix, s'est encore élevé contre cette autre pensée comme fausse et paradoxale. Guillemets. Croyez-moi, mon fils, les douleurs ne sont point éternelles. Il faut tôt ou tard qu'elles finissent, parce que le cœur de l'homme est fini. C'est une de nos grandes misères. Nous ne sommes pas capables d'être longtemps malheureux. Fin des guillemets. Le critique prétend que cette sorte d'incapacité de l'homme pour la douleur est au contraire un des grands biens de la vie. Je ne lui répondrai pas que, si cette réflexion est vraie, elle détruit l'observation qu'il a faite sur le premier passage du discours du père Aubry. En effet, ce serait soutenir d'un côté que l'on n'oublie jamais ses amis, et de l'autre qu'on est très heureux de n'y plus penser. Je remarquerai seulement que l'habile grammairien me semble ici confondre les mots. Je n'ai pas dit « c'est une de nos grandes infortunes », ce qui serait faux, sans doute, mais « c'est une de nos grandes misères », ce qui est très vrai. Et qui ne sent que cette impuissance où est le cœur de l'homme de nourrir longtemps un sentiment, même celui de la douleur, est la preuve la plus complète de sa stérilité, de son indigence, de sa misère. Monsieur l'abbé Morlaix paraît faire, avec beaucoup de raison, un cas infini du bon sens, du jugement, du naturel. Mais suit-il toujours dans la pratique la théorie qu'il professe ? Il serait assez singulier que ces idées riantes sur l'homme et sur la vie me donnassent le droit de le soupçonner à mon tour, de porter dans ses sentiments l'exaltation et les illusions de la jeunesse. La nouvelle nature et les mœurs nouvelles que j'ai peintes m'ont attiré encore un autre reproche peu réfléchi. On m'a cru l'inventeur de quelques détails extraordinaires, lorsque je rappelais seulement des choses connues de tous les voyageurs. Des notes ajoutées à cette édition d'Atala m'auraient aisément justifié. Mais s'il en avait fallu mettre dans tous les endroits où chaque lecteur pouvait en avoir besoin, elles auraient bientôt surpassé la longueur de l'ouvrage. J'ai donc renoncé à faire des notes. Je me contenterai de transcrire ici un passage de la « Défense du génie du christianisme ». Il s'agit des ours enivrés de raisins que les doctes censeurs avaient pris pour une gaieté de mon imagination. Après avoir cité des autorités respectables et le témoignage de Carver, Bartram, Imlay, Charlevoix, j'ajoute « Quand on trouve dans un auteur une circonstance qui ne fait pas beauté en elle-même et qui ne sert qu'à donner de la ressemblance au tableau, si cet auteur a d'ailleurs montré quelque sens commun, il serait assez naturel de supposer qu'il n'a pas inventé cette circonstance et qu'il n'a fait que rapporter une chose réelle, bien qu'elle ne soit pas très connue. Rien n'empêche qu'on ne trouve à Tala une méchante production, mais j'ose dire que la nature américaine y est peinte avec la plus scrupuleuse exactitude. C'est une justice que lui rendent tous les voyageurs qui ont visité la Louisiane et les Florides. Les deux traductions anglaises d'Atala sont parvenues en Amérique. Les papiers publics ont annoncé en outre une troisième traduction publiée à Philadelphie, avec succès. Si les tableaux de cette histoire eussent manqué de vérité, aurait-il réussi chez un peuple qui pouvait dire à chaque pas « Ce ne sont pas là nos fleuves, nos montagnes, nos forêts. Atala est retourné au désert, et il semble que sa patrie l'ait reconnu pour véritable enfant de la solitude. » Défense du génie du christianisme. Note de l'auteur. René, qui accompagne Atala dans la présente édition, n'avait point encore été imprimé à part. Je ne sais s'il continuera d'obtenir la préférence que plusieurs personnes lui donnent sur Atala. Il fait suite naturelle à cet épisode, dont il diffère néanmoins par le style et par le ton. Ce sont, à la vérité, les mêmes lieux et les mêmes personnages, mais ce sont d'autres mœurs et un autre ordre de sentiments et d'idées. Pour toute préface, je citerai encore les passages du génie du christianisme et de la défense qui se rapportent à René. Extrait du génie du christianisme. Deuxième partie, livre 3, chapitre 9, intitulé « Du vague des passions ». Guillemets. Il reste à parler d'un état de l'âme qui, ce nous semble, n'a pas encore été bien observé. C'est celui qui précède le développement des grandes passions. Lorsque toutes les facultés jeunes active, entière, mais renfermée, ne se sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet. Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet état du vague des passions augmente. Car il arrive alors une chose fort triste. Le grand nombre d'exemples qu'on a sous les yeux, la multitude de livres qui traitent de l'homme et de ses sentiments, rendent habile sans expérience. On est détrompé sans avoir joui. Il reste encore des désirs et l'on n'a plus d'illusions. L'imagination est riche, abondante et merveilleuse, l'existence pauvre, sèche et désenchantée. On habite avec un cœur plein un monde vide, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. L'amertume que cet état de l'âme répand sur la vie est incroyable. Le cœur se retourne et se replie en 100 manières pour employer des forces qu'il sent lui être inutiles. Les anciens ont peu connu cette inquiétude secrète, cette aigreur des passions étouffées qui fermentent toutes ensemble. Une grande existence politique, les jeux du gymnase et du Champ de Mars, les affaires du forum et de la place publique remplissaient tous leurs moments et ne laissaient aucune place aux ennuis du cœur. D'une autre part, ils n'étaient pas enclins aux exagérations, aux espérances, aux craintes sans objet, à la mobilité des esprits et des sentiments, à la perpétuelle inconstance qui n'est qu'un dégoût constant, disposition que nous acquérons dans la société intime des femmes. Les femmes, chez les peuples modernes, indépendamment de la passion qu'elles inspirent, influent encore sur tous les autres sentiments. Elles ont dans leur existence un certain abandon qu'elles font passer dans la nôtre. Elles rendent notre caractère d'homme moins décidé, et nos passions, amollies par le mélange des leurs, prennent à la fois quelque chose d'incertain et de tendre. Il suffirait de joindre quelques infortunes à cet état indéterminé des passions pour qu'il pût servir de fond à un drame admirable. Il est étonnant que les écrivains modernes n'aient pas encore songé à peindre cette singulière position de l'âme. Puisque nous manquons d'exemples, nous serait-il permis de donner au lecteur un épisode extrait comme Atala de nos anciens Natchez. C'est la vie de ce jeune René, à qui Chactas a raconté son histoire, etc., etc. Fin des guillemets. Extrait de La défense du génie du christianisme. Guillemets. On a déjà fait remarquer la tendre sollicitude des critiques. Il s'agit ici des philosophes uniquement. Note de l'auteur. Pour la pureté de la religion. On devait donc s'attendre qu'il se formaliserait de deux épisodes que l'auteur a introduits dans son livre. Cette objection particulière rentre dans la grande objection qu'ils ont opposée à tout l'ouvrage, et elle se détruit par la réponse générale qu'on y a faite plus haut. Encore une fois, l'auteur a dû combattre des poèmes et des romans impies, avec des poèmes et des romans pieux. Il s'est couvert des mêmes armes dont il voyait l'ennemi revêtu. C'était une conséquence naturelle et nécessaire du genre d'apologie qu'il avait choisi. Il a cherché à donner l'exemple avec le précepte. Dans la partie théorique de son ouvrage, il avait dit que la religion embellit notre existence, corrige les passions sans les éteindre, jette un intérêt singulier sur tous les sujets où elle est employée. Il avait dit que sa doctrine et son culte se mêlent merveilleusement aux émotions du cœur et aux scènes de la nature. Quelle est enfin la seule ressource dans les grands malheurs de la vie? Il ne suffisait pas d'avancer tout cela, il fallait encore le prouver. C'est ce que l'auteur a essayé de faire dans les deux épisodes de son livre. Ces épisodes étaient en outre une amorce préparée à l'espèce de lecteur pour qui l'ouvrage est spécialement écrit. L'auteur avait-il donc si mal connu le cœur humain lorsqu'il a tendu ce piège innocent aux incrédules? Et n'est-il pas probable que tel lecteur n'eût jamais ouvert le génie du christianisme s'il n'y avait cherché René et Atala? Sa che la corre il mondo ove piu versi, delie sue dolcetze, il lucenguer Parnasso, e quel verso, condito in moli versi, i piu scivi alietando a persuaso. Tout ce qu'un critique impartial, qui veut entrer dans l'esprit de l'ouvrage, était en droit d'exiger de l'auteur, c'est que les épisodes de cet ouvrage eussent une tendance visible à faire aimer la religion et en démontrer l'utilité. Or, la nécessité des cloîtres pour certains malheurs de la vie, et pour ceux-là même qui sont les plus grands, la puissance d'une religion qui peut seule fermer des plaies que tous les baumes de la terre ne sauraient guérir, ne sont-elles pas invinciblement prouvées dans l'histoire de René ? L'auteur y combat en outre le travers particulier des jeunes gens du siècle, le travers qui mène directement au suicide. C'est Jean-Jacques Rousseau qui introduisit le premier parmi nous ces rêveries si désastreuses et si coupables. En s'isolant des hommes, en s'abandonnant à des songes, il a fait croire à une foule de jeunes gens qu'il est beau de se jeter ainsi dans le vague de la vie. Le roman de Werther a développé depuis ce genre de poison. L'auteur du génie du christianisme, obligé de faire entrer dans le cadre de son apologie quelques tableaux pour l'imagination, a voulu dénoncer cette espèce de vice nouveau et poindre les funestes conséquences de l'amour outré de la solitude. Les couvents offraient autrefois des retraites à ces âmes contemplatives que la nature appelle impérieusement aux méditations. Elles y trouvaient auprès de Dieu de quoi remplir le vide qu'elles sentent en elles-mêmes et souvent l'occasion d'exercer de rares et sublimes vertus. Mais depuis la destruction des monastères et les progrès de l'incrédulité, on doit s'attendre à voir se multiplier au milieu de la société, comme il est arrivé en Angleterre, des espèces de solitaires tout à la fois passionnés et philosophes, qui, ne pouvant ni renoncer aux vices du siècle, ni aimer ce siècle, prendront la haine des hommes pour l'élévation du génie, renonceront à tout devoir divin et humain, se nourriront à l'écart des plus vaines chimères et se plongeront de plus en plus dans une misanthropie orgueilleuse qui les conduira à la folie ou à la mort. Afin d'inspirer plus d'éloignement pour ces rêveries criminelles, l'auteur a pensé qu'il devait prendre la punition de René dans le cercle de ces malheurs épouvantables, qui appartiennent moins à l'individu qu'à la famille de l'homme, et que les anciens attribuaient la fatalité. L'auteur eût choisi le sujet de Phèdre s'il n'eût été traité par Racine. Il ne restait que celui d'Hérope et de Thieste. Voyez aussi Canacée et Macarcus et Cône et Byblis dans les Métamorphoses et dans les Héroïdes d'Ovide. J'ai rejeté, comme trop abominable, le sujet de Myrrha, qu'on retrouve encore dans celui de Lot et de ses filles. Note de l'auteur. Chez les Grecs, ou d'Amnon et de Tamar chez les Hébreux, et bien qu'il ait été aussi transporté sur notre scène, dans La Buffard de M. Ducis, note de l'auteur. Il est toutefois moins connu que celui de Phèdre. Peut-être aussi s'applique-t-il mieux au caractère que l'auteur a voulu peindre. En effet, les folles rêveries de René commence le mal, et ses extravagances l'achèvent. Par les premières, il égare l'imagination d'une faible femme. Par les dernières, en voulant attenter à ses jours, il oblige cet infortuné à se réunir à lui. Ainsi le malheur naît du sujet, et la punition sort de la faute. Guillemets. Il ne restait qu'à sanctifier par le christianisme cette catastrophe emprunté à la fois de l'antiquité païenne et de l'antiquité sacrée. L'auteur, même alors, n'eut pas tout à faire, car il trouva cette histoire presque naturalisée chrétienne dans une vieille ballade de pèlerins que les paysans chantent encore dans plusieurs provinces. C'est le chevalier des Landes, malheureux chevalier, etc. Note de l'auteur. ce n'est pas par les maximes répandues dans un ouvrage, mais par l'impression que cet ouvrage laisse au fond de l'âme que l'on doit juger de sa moralité. Or, la sorte d'épouvante et de mystère qui règne dans l'épisode de René serre et contriste le cœur, sans y exciter d'émotions criminelles. Il ne faut pas perdre de vue qu'Amélie meurt heureuse et guérie, et que René finit misérablement. Ainsi le vrai coupable est puni, tandis que sa trop faible victime, remettant son âme blessée entre les mains de celui qui retourne le malade sur sa couche, sent renaître une joie ineffable du fond même des tristesses de son cœur. Au reste, le discours du père Souël ne laisse aucun doute sur le but et les moralités religieuses de l'histoire de René. Fin des guillemets. On voit par le chapitre cité du génie du christianisme quelle espèce de passion nouvelle j'ai essayé de peindre, et, par l'extrait de la défense, quel vice non encore attaqué j'ai voulu combattre. J'ajouterai que, quant au style, René a été revu avec autant de soin qu'Atala, et qu'il a reçu le degré de perfection que je suis capable de lui donner.